Bandeko na lelia ngai mote mokati ya mokili ya bafalu. Oh, oh, oh, pas s'étonner. L'amour n'est pas une utopie, mais un problème est pratique. Oh, oh, oh. Yéla tanga isa medina pokwa. Y'a Jonathan à Jennifer. Pour l'amour du risque, il est justifié milliardaire. Oh, oh, oh. Nalélia n'a un beau thème. Yohanda est réadiré de rêve. La popota n'a pas eu à marabouwa. Il est en aïe du cabo. Nidhi n'a stala. On a gagné mon libanaya. Si il s'agit d'un samba bolimo ya mon ambaro. Seca. balika batanga mpukuye Batanga kombo ya shoto kombo ya kara Oh mama My, it's a day, my.